Eh bien, merci de me rejoindre pour ce nouveau numéro d'Esprit Libre, le numéro 29 plus exactement, l'émission pirate préférée des cancres, et j'espère que vous l'êtes. Je m'étais juré d'arrêter de faire le con à parler dans mon microphone, et puis c'est mon camarade Necromonger qui m'a suggéré d'en faire de temps en temps. Ce n'est pas une partie de plaisir, mais après tout, pourquoi pas, c'est moi le patron. Et oui donc, 29 numéros diffusés sous plusieurs formes, celui-ci étant un hors-série spécial déstockage, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page Facebook du groupe portant évidemment le nom de l'émission Esprit Libre. Puisque c'est moi qui fais les playlists et c'est moi qui cause aujourd'hui dans le poste, je me suis donc offert le luxe de faire une émission un peu plus longue parce que j'ai faim de partager avec vous mes connaissances musicales que je considère infimes par rapport à certains monstres, mais j'espère en avoir assez pour vous faire découvrir une petite perle de temps à autre. Ceci explique donc le hors-série des stockages, la quantité un peu vue à la hausse. Arrêtons de causer, voici le programme de ce numéro. Pour démarrer, voici deux morceaux, le premier étant un titre de The Joy Division, Love Will Tear Us Apart, Love Will Tear Us Apart de 2009, morceau formidablement repris par Rodolphe Burger, et le second que je vous propose n'est autre que Champagne Corolla, là c'est plus facile à dire, de Steve Earle and the Dukes en 2021. Bonne écoute à tous, on se retrouve après. When the routine bites hard and ambitions are low and resentment rides high, but emotions won't grow and we're changing our ways, taking different roads than love. Love will tear us apart again. Why is the bedroom so cold? Turned away on your side. Is my timing that flow? Our respect runs so dry. Yet you still disappear. That we kept through our lives. When love will tear us apart again. Love will tear us apart again. taste in my mouth as desperation takes hold. Is it something so good? Just can function no more. The love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Si la première partie vous a plu, alors continuons sur la lancée. Au pire, vous pouvez toujours éteindre le truc avec lequel vous m'écoutez pour allumer TF1, la chaîne où il ne se passe jamais rien. Bref, non, vous avez raison de rester. Continuons tranquillement notre sélection musicale avec six petites joyeusetés, six classiques du genre. Avec Elmore James, Dust My Broom en 1937, Howlin' Wolf, Smoke Steak, Lightning en 1956, le grand Chuck Berry, Johnny B. Goode de 1959, Sonny Boy Williamson, Nine Below Zero de 1966, Steppenwolf, Ookie Cookie Man de 1968, là aussi une reprise d'un grand standard du rock, et enfin Hound Dog Taylor's et The House Rockers, She's Gone, de 1971. Allez, je vous laisse mes petites cancres, à tout à l'heure. I'm getting up soon in the morning.

low zero. The little gun, she done put me down. Nine below zero. The little gun, she done put me down. She know I don't have nowhere to stay, and I don't have not one dime. Told my mama on the day I was born, oh, you got a boy child coming. Oh, Lord, be a son of a gun. He's gonna make those pretty women, you know, he's gonna make them jump and shout. The whole wide world gonna wonder what it's all about. Yeah. take all my money and you treat me like a child. Like a child. Me revoilà, et le temps avance à une vitesse phénoménale, mais quand on aime, on ne compte pas. Pour la suite du menu de ce soir, je vous ai mis de côté 6 titres un peu plus bruyants que tout à l'heure, histoire de vous secouer un peu. Ah, vous en avez besoin. On débute avec Sheep Trike, Gonna Raise Hell de 1979, pour passer à Judas Priest, Painkiller de 1990, Deep Purple, Highway Star de 1972, Greta Van Fleet, Safari Song de 2017, une petite reprise là encore, Leila, mais cette fois-ci par Michael Schenker, cette version date de 2015, et enfin Blue Oyster Cult, Carrier of Evil de 1974. À tout à l'heure. We'll be right back. everything, I feel your everything. I really wanna know. See, mama, when you shine, you're shining bright. Give your giving right. Really wanna know to go. See, mama, when your heart is in its place. See that smiling face is all I wanna do. See, mama, every time that you want here is when you're gone. I feel never wanna come back home. Oh, that horseshoe. I'd like your emerald hornet toe. I'd like to do it to your daughter on a dirt road. And then I'd spend Et voilà mes amis, il est l'heure de se quitter, mais je ne vous laisse pas sans rien. Le titre bonus de ce soir est un second morceau de Rodolphe Burger, issu de l'album Session Valley, tout comme la reprise du début. Excellent album, je vous le conseille. Là, on se quitte avec le titre Lady of Guadalupe, qui est un pur délice. Mes amis, je vous laisse, bonne soirée, que la musique soit avec vous et avec votre esprit. Amen. Más fuerte y mi mano más segura, señora de Guadalupe, amante de tanta gente, haga que yo le venga. Haga que yo le venga. Lady of Guadalupe, make my sight clear. Lady of Guadalupe, make my breath pure. Make my strong arm stronger and my fingers tight. Lady of Guadalupe, lover of many, make me a vengeman. Thank you. Notre-Dame de Guadeloupe, faites que ma vue soit claire. Notre-Dame de Guadeloupe, faites que mon souffle soit pur. Rendez mon bras plus fort et ma main plus sûre.